الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit l'étude de ce livre إنشاءالله تعالى مئة سؤال وجواب في العقيدة 200 questions et réponses dans la croyance que le musulman doit avoir. Et à travers les cours passés, on a pu voir que les piliers de la foi étaient au nombre de 6. Qui me les rappelle de façon rapide, s'il vous plaît? Qui me les rappelle? Qui lève sa main? Il n'a pas la honte et il me dit les piliers de la foi. Rapidement. Arkanul Iman. Fadal. أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. Qui me les rappelle en français? Nassim. La croyance en Allah, la croyance aux anges, aux prophètes, au jugement dernier, Et au dessein. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que on est en train de voir chaque pilier de la foi en détail. Qu'est-ce que veut dire exactement l'Iman Billah, l'Iman Bil Malaika? Qu'est-ce qui sont les anges? Pourquoi Allah les a créés? Qu'est-ce qu'ils font? Pareil pour les messagers, les prophètes, qui ils sont? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés? Et donc, il y a 6 piliers. Et dans les cours passés, on a vu l'Iman Billah. On a vu l'explication ou bien la définition ou le sens de la foi en Allah. De même qu'on a vu le sens de la foi aux anges, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi. On a vu aussi le sens de la foi aux livres et en ce moment on est en train d'étudier la foi aux messagers, al-iman bir rusul. Et on a répondu à quelques questions. On a donné la réponse à quelques questions. Premièrement, la preuve qui montre que on a pour obligation de croire au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adilla ala wujub al-iman bi rusulillah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu ça dans plusieurs textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, on a vu qu'est-ce que c'est exactement ma ma'na al-iman bi rusul. Qu'est-ce que ça veut dire croire au messager d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que ça veut dire croire au prophète? Qu'est-ce qui répond à cette question? Ma huwa al-iman bil rusul bil faransiya ou bil arabiya? Quelqu'un connaît? Kullukum muslimun wa kullukum mu'minun wa kullukum tu'minuna bi rusulillah fa nas'alukum tu'minuna bimada? Vous êtes tous croyants, vous êtes tous musulmans, vous croyez tous au messager d'Allah. Qui sont les messagers d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire croire au messager d'Allah? C'est la raison pour laquelle vous êtes à la mosquée. Vous devez savoir ça. Ahmed, attends, d'après. Non, ça ce que tu dis c'est vrai, mais c'est pas la réponse à la question, Ahmed. Donc, la question c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire croire au messager d'Allah? À l'unicité d'Allah. Non plus. Ça, c'est une vraie chose, mais ce n'est pas la réponse à la question. Hein? Ils sont tous venus sur un seul but. L'unicité d'Allah. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ils ont tous été envoyés pour un seul message. Qui peut me dire si ça veut dire quoi la foi au messager? Mohamed. Nassim. Ça c'est vrai, ils sont tous envoyés par un imam. Il a dit, les messagers ont transmis le message. Donc on comprend qu'ils ont été envoyés pour transmettre le message d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Man hum rusul. Qui sont les messagers? Hein? Sahih. Hada jawab sahih. Hum unas min al-bashar. رجال أو نساء؟ رجال. يمكن أن تكون مرأة نبية أو رسولة؟ لا يمكن. Donc ce sont tous des hommes qui ont été envoyés par Allah. subhanahu wa ta'ala. Pourquoi elles ont été envoyées? Pour adorer un seul Dieu unique. Hein? Pour adorer un seul Dieu unique. Exactement. Pour mettre les gens dans la bonne voie. C'est quoi la bonne voie? Là, c'est ta réponse. C'est quoi la bonne voie? Dis ce que tu as dit tout à l'heure. Pour adorer ce Dieu unique. La bonne voie, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. Toi, ya akhi muslim, tu dois te dire quelque chose. Tu dois te dire quelque chose. Tu n'es pas créé pour être un insouciant. Ma khuliqta litakuna ghafilan. في هذه الدنيا كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Tu n'as pas été créé pour être insouciant. Allah a dit, ils connaissent les choses de ce bas monde et ils sont ignorants de l'au-delà, ils sont insouciants. أنت مخلوق لهذا. Ta vie elle est pour ça, ya akhi al-karim. لا يجوز لك أن تجهل هذا. Tu n'as pas le droit d'ignorer ça. Wallahi, que si tu ignores ces choses qu'on est en train d'étudier, tu dois te dire dans ta tête que c'est une catastrophe, ni plus ni moins. C'est une catastrophe de ne pas savoir, ça veut dire quoi, la croire au messager. C'est une catastrophe de ne pas savoir, ça veut dire quoi, la foi au livre. On dit tous qu'on est des musulmans, on dit tous qu'on obéit Allah, qu'on adore Allah, mais les questions de base qu'on est tous censés savoir, la plupart des gens ils sont ignorants. Pourquoi ? لأن القلوب تعلقت بالدنيا تعلقت بالدار المدبرة وأعرضت عن الدار الباقية المقبلة. Parce que les cœurs ils se sont accrochés à ce bas monde, les cœurs ils se sont accrochés à ce bas monde et ils ont délaissé le monde qui va venir, le monde qui va rester. الحياة الحقيقية هي طاعة الله. La vraie vie c'est la vie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie c'est pas ici les frères. Allah subhanahu wa ta'ala il dit yawm al-qiyama, le jour où les gens seront jugés, ils entreront en enfer, qu'est-ce qu'il dira? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati hadhihi hiya hayati al-haqiqiyya amam Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira, si seulement j'avais avancé du bien pour ma vie. De quelle vie il parle? Vous pensez qu'il parle de la vie de ce bas monde? Il parle de la vie de l'au-delà. Il parle de la vie de l'au-delà. Fa kullu wahid yuhasibu nafsah لا يبقى هكذا حتى يبعثه الله يبعثه الله يوم القيامة يندم. On doit tous se remettre en question. On doit tous se remettre en question. On ne doit pas rester comme ça dans l'ignorance. الجهل داء قاتل. L'ignorance c'est une maladie qui détruit. Qui détruit quoi? Qu'est-ce qu'il peut me répondre? ماذا يقتل الجهل؟ ماذا يدمر؟ يدمر القلب. Il détruit les cœurs. Et les cœurs, c'est la base de tout, les frères. Si le cœur, il est bon, tout est bon. Si le cœur, il est mort, tout est mort. Wallahi, إذا كنت ميت القلب حي البدن أنت ميت ولو كنت تمشي على الأرض. Même si ton cœur, il est vivant, si ton corps, il est vivant, tu marches, tu bois, tu dors, tu travailles, tu rentres à la maison, tu sors, mais ton cœur, il est mort, wallahi, tu es mort dans ce bas monde. Wallah, tu es mort dans ce bas monde, ya akhi. Et si ton cœur il est vivant, là tu es vraiment vivant, même si tu es mort fi qabrik. Même si tu es mort dans ta tombe. Ad-dalil ala hadha? Tu veux la preuve de cela? On est en train de lire un livre d'un shir, il est mort, ça fait des années et des années. Anzur al-an dhikruhu hayy. On est en train de lire d'un imam, un grand savant de l'islam, il est mort depuis des années, il est enterré, peut-être son corps ça y est, il est en poussière. Et malgré ça, on n'arrête pas de dire son nom et on n'arrête pas de dire Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a su c'était quoi cet homme-là, comme tous les hommes qui l'ont suivi, ils ont su c'était quoi la vraie vie. La vraie vie c'est Ibadatullah. Nous quand on vient ici là dans une assise comme ça, on vient pas juste parce que samedi en train de m'arriver l'Aïcha, on n'a rien à faire. On vient pas juste parce qu'il n'y a rien à faire, c'est bien, c'est le kalam, fi din, on s'assoit pour voir un peu, pour parler, comme quelqu'un qui regarde un reportage, ou quelqu'un qui regarde un film, là. Al-an, tatlub min Allah al-jannah, wa takhaf min Allah. Là, quand tu viens t'asseoir ici, c'est parce que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te fasse entrer au paradis. Et tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te préserve de l'enfer. Tu viens pas pour passer ton temps. Tu viens ici, تأتي لهذه المجالس لتبحث عن قلبك. تأتي لهذه المجالس لترى هل قلبك حي أو ميت. Quand tu viens dans ces assises, tu viens chercher ton cœur. Tu viens voir si ton cœur il est mort ou s'il est vivant. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un des plus grands savants des compagnons de Sahaba radiyallahu anhu, il a dit: ابحث قلبك في ثلاثة مواطن عند قراءة القرآن وعند مجالس الذكر وعند خلوتك. فإذا لم تجد قلبك في أحد هذه الثلاثة فاطلب من الله قلبا فإنه لا قلب لك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه il a dit: recherche ton cœur dans trois moments. Il dit: si tu ne trouves pas ton cœur dans ces trois moments-là, alors tu n'as pas de cœur. Demande à Allah un cœur. Il dit: lorsque tu entends le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, lorsque tu viens à des assises de rappel, des assemblées de dhikr. Et troisièmement, lorsque tu es seul avec Allah en train de faire du rappel d'Allah. Lorsque tu es seul, comment tu es? Si dans ces trois moments-là tu sens pas que ton cœur est vivant, dis à Allah: et pitié de moi, donne-moi un cœur, parce que tu n'as pas de cœur. Quelle est la cause qui a tué ton cœur? La première cause qui tue le cœur, أول أسباب قسوة القلب وتدمير القلب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. La première chose qui tue ton cœur et qui ne laisse plus rien, plus aucune vie, c'est que tu l'accroches à autre qu'Allah. Ta raison de vivre, c'est autre qu'Allah سبحانه وتعالى. أنت تعيش لغير الله والعياذ بالله. Et Allah a dit dans le Coran: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. أنا أعيش لله أموت لله. Allah سبحانه وتعالى dit dans le Coran à son prophète عليه الصلاة والسلام: dit, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont des choses vouées à Allah. يعني je vis et je meurs pour Allah سبحانه وتعالى. Il n'a pas d'associé dans ça. Allah il t'a créé pour cette chose-là. Il t'a créé pour que ton cœur il soit accroché à lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu dois te remettre en question. Est-ce que vraiment tu as le cœur accroché à Allah? Hal qalbuka muta'alliqan bi rabbil ibad? Subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est accroché à Allah? Ou huwa muta'alliqan zahiran, mutaqallibun batinan. Ou bien est-ce qu'il est accroché en apparence et en vérité il est détourné? Tu dois te remettre en question. On ne vient pas ici pour perdre du temps. On ne vient pas ici pour écouter le Coran et la Sunna juste parce qu'on n'a rien à faire. On vient ici pour chercher son cœur. On vient, on écoute, on apprend. Pourquoi? Parce que un verset que tu apprends et que tu comprends, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Elle est immense. Et nous, on doit faire attention au cœur. On doit faire attention au cœur. Le but de tout ça, c'est pas pour faire du cinéma. C'est pas pour parler devant tout le monde et pour dire qu'on connaît, qu'on a appris et on lit et mashallah, on a entendu le hadith et le verset. On doit chercher notre cœur. On doit chercher si notre cœur il est vivant. On doit chercher on est comment avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste de sortir après d'avoir des discussions comme si que c'est un fait divers, comme quelque chose que t'as lu dans le journal. Mashallah, c'était bien. Mais ton cœur il est comment? Il est sorti vivant ou bien il est sorti pareil? Est-ce que ça va te faire de l'effet? هل هذا يؤثر فيك أو لا؟ ستفي اللفاء أو ستفي قد لفاء؟ فالمسلم لا بد أن يعتني بحياة قلبه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. Le musulman il doit faire attention à son cœur. Allah سبحانه وتعالى il a dit: le jour où on nie les biens, c'est-à-dire l'argent ou les biens. Les biens que la personne elle possède. Ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint, un cœur qui est pieux. كيف يكون قلبك سليما؟ تظن أنه سيكون كذلك بالدنيا وبحبها؟ Comment tu crois que ton cœur il va être pieux? Comment tu crois que ton cœur il va être saint? Tu penses que ton cœur il va être pieux ou il va être saint avec ce bas monde? النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما أعطاه شربة ماء. فلماذا يعطيهم كثيرا؟ لأنها لا تساوي عند الله شيئا. Allah, le prophète, alayhi salam, il a dit, si ce bas monde derrière lequel on court tous, si ce bas monde avait chez Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné une gorgée d'eau à boire à un mécréant, un kafir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Allah il leur donne tout ça? Pourquoi il leur donne la dunya? Parce qu'elle n'a aucune valeur. Donc qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est qui me répond? Al-iman. Al-iman, c'est ça qui a de la valeur. La foi en Allah. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, في معنى الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. النبي عليه الصلاة والسلام il a dit Allah donne ce bas monde à celui qu'il aime et il donne aussi à celui qui n'aime pas, mais il ne donne la religion que à celui qu'il aime, que à celui qu'il aime. Et là ce qu'on est en train de faire, on est en train d'hériter du prophète عليه الصلاة والسلام. الآن نأخذ إرث النبي عليه الصلاة والسلام. On est en train de prendre l'héritage. Tu vois quand quelqu'un, quand tes parents ils sont morts ou quand tes grands-parents ils sont morts et que tu as pris de l'héritage, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il nous a laissé un héritage. Il nous a pas laissé d'argent, il nous a pas laissé de dunya, mais il nous a laissé l'ilm. Al-ilm, alladhi huwa qala Allah qala Rasul alayhi wa sallam. Il nous a laissé la science qui est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء ورثة إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ما تركوا الدينار ولا الدرهم وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي الذي أخذ العلم عنده نصيب كبير من إرث النبي عليه الصلاة والسلام. البروفيت عليه الصلاة والسلام a dit que les savants sont les héritiers des prophètes, et que les prophètes n'ont pas laissé de dinars ou de dirhams en héritage, mais par contre ils ont laissé de la science. Celui qui prend cette science aura reçu une grosse part de l'héritage, aura reçu une grosse part de l'héritage. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يخرج إلى السوق وينظر إلى التجار وهم يبيعون ويشترون ويقول لهم ماذا تفعلون أنتم هنا وإرث النبي عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد فرجعوا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدوا حلقات حلقة تفسير القرآن حلقة الحلال والحرام والفقه فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا له ما وجدنا ما تقول قال ويلكم إرث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو العلم الكتاب والسنة. Regardez les compagnons comment ils étaient intelligents. Abu Huraira رضي الله عنه, il a dit, un jour, il est parti au marché pour voir les gens qui font du commerce. Ils vendent et ils achètent, ils vendent et ils achètent. Il leur a dit, mais que faites-vous ici? Alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est distribué dans la mosquée en ce moment même. Quand ils ont entendu ça, ils ont posé toutes les marchandises, ils ont été à la mosquée. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la mosquée? Ils ont trouvé des gens assis, des assises. Il y en avait qui étaient en train d'apprendre le Coran, il y en a d'autres qui étaient en train de comprendre les versets, il y en a d'autres qui étaient en train d'apprendre ce qui est halal et ce qui est haram. Ils sont revenus voir Abu Huraira et ils lui ont dit, mais tu nous as dit qu'il y avait quelque chose qui est distribué, on n'a rien trouvé de ce que tu dis. Et là il a dit, vous ne comprenez pas que l'héritage qui est distribué, c'est la science. C'est la science. Si tu peux tourner dans la jama'at ad-dunya kullaha, si tu rassembles toute la dunya, est-ce que tu vas acheter avec ta place au paradis? Mais si tu ramasses toute la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu vas acheter ta place au paradis? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Comme قال الله تعالى, Allah dira aux gens du paradis, entrez au paradis pour vos actes. Vous avez travaillé, maintenant entrez au paradis. فعلينا نحاسب انفسنا ونسال الله ان يشفي قلوبنا. On doit demander à Allah de guérir nos cœurs, parce que wallahi قلوبنا مريضة. Nos cœurs ils sont malades. قلوبنا متعلقة بالدنيا وما فيها. Nos cœurs ils sont accrochés à ce bas monde. et ils se détournent d'Allah. Wal'iyadu billah. Donc quand on est ici, c'est le moment de faire revivre le cœur. Quand on vient ici dans ces assises-là, quand on vient écouter Kalam Allah, Kalam Rasul, c'est le moment de faire revivre ton cœur. Donc si toi tu ne viens pas à ces assises-là, ton cœur va tout le temps rester mort. Wal'iyadu billah. Et si ton cœur reste mort, tu es loin d'Allah et Allah il ne t'aime pas. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie elle est inutile. Ça sert à quelque chose. Et il faut vraiment que ce soit des vraies paroles. On ne parle pas juste pour dire « Ah, mashallah, c'est vrai, wallah, subhanallah. » Après on sort, demain c'est pareil. C'est des vraies paroles ça. Là, Allah il nous a donné la chance, il nous a donné la chance de réfléchir. Il nous a donné la chance de s'asseoir et de parler, de se rappeler. Est-ce qu'on va se rappeler? Ou bien on part et le samedi prochain, entre le Maghrib et l'Isha, c'est tout, on va avoir un peu de dîn. Et toute la semaine, on est dans l'insouciance. Donc, al-ghafla da'un, yani qatal. La maladie de l'insouciance, elle détruit les cœurs. Et le seul moyen de faire revivre ton cœur, c'est de venir ici et d'écouter. Mais c'est pas d'écouter les histoires à droite et à gauche, et les bid'as, et les innovations, et les blabla, et les blabla. C'est d'écouter le Coran et la Sunna. C'est ça qui fait revivre ton cœur. Ce qui fait revivre ton cœur, c'est l'ilm. L'ilm sahih. Min al-kitab wa sunna. De la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'al Allah azza wa jal bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula an yashfi qulubana wa yuhiyaha. Qu'Allah fasse vivre nos cœurs. Donc, on est en train de voir qu'est-ce que c'est la foi au messager. L'iman bil rusul wa tasdiq al jazim bi annahum qawm min al bashar rijal arsalahum Allah azza wa jal ila al umam liyad'uhum ila tahqiq ibadatillah wahdahu la sharika la wa liyahkumu bi kitabillah baynahum aw bayna al nas. Donc la foi au messager, c'est de croire sans doute et sans aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des hommes à des peuples avec un message pour les appeler à obéir à Allah et pour les appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour être juge envers eux. Pour être juge envers eux. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه. Est-ce que les messagers sont d'accord dans leur prêche? Est-ce qu'ils ont tous la même mission ou pas les messagers? Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils ont tous la même mission? Ils ont tous le même travail à faire? عمل الأنبياء عمل واحد ما هو؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وحفظك الله ورفع في العليين درجاتك. Les prophètes, ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala tous avec le même message. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui qui mérite l'adoration. Ils ont fait leur travail ou pas les prophètes? Absolument. Ils ont tous obéi à Allah, ils ont tous fait leur travail. فهل الناس كلهم اتبعوا الانبياء؟ Est-ce que les gens ils ont tous suivi les prophètes? عندما قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هل كلهم عبدوا الله وحده لا شريك له؟ لا. وما يؤمن اكثرهم وما يؤمن اكثر الناس ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون والعياذ بالله. فاكثر الناس في الشرك بالله ولهذا ارسل الله الانبياء. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la plupart des gens ne sont croyants que en faisant de l'association. La plupart des gens ils font du shirk. Vous avez entendu la khutbah dans le vendredi? C'est pas vrai les frères? Dans la maison de gens il n'y a pas beaucoup de shirk? Dans la maison de beaucoup de gens? Al-Anbiya ils ont été envoyés pour ça. Les prophètes ils ont été envoyés pour appeler les gens à arrêter le shirk, l'association, et adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu que Allah samma min al-anbiya kam fil Qur'an. Combien Allah il a dit de les noms de prophètes dans le Coran? 25 nabiyan zakarahum Allah fil Qur'an. 18 dans sourate al-An'am, et 7 dans les autres surahs. Surat al-An'am dans les versets qui se suivent. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Il y en a 18. Thamaniyat al-Ashar. Et les 7 autres, ils sont cités dans plusieurs autres surahs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 25. Il y en a plus. Mais Allah, il nous en a dit que 25 dans le Coran. As-su'al al-rabi'u wa tis'un. Man hum ulul azmi min ar-rusul. La question 94. Qui sont les prophètes doués de fermeté? Ahlul thabat wal quwwa. Ceux qui sont fermes, les plus forts parmi les prophètes. Ami Mohamed Ali, tafadhal. D'accord. Wa akbar mink. Wa huwa akhou. Tafadhal. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Dans l'ordre maintenant des meilleurs. Donc on a entendu les cinq noms. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, jami'an. Dans l'ordre des meilleurs, tartib, al-afdal, fal-afdal. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, alayhi wa sallam. Moussa, alayhi wa sallam. Isa, Nuh, alayhi wa salatu wa sallam. الجواب هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومنك من؟ محمد عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. الله عز وجل a dit dans sourate l'Équalisée, et lorsque nous avons pris des prophètes leur engagement, de même qu'on a pris le tien, celui de Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Ici Allah il a cité les cinq meilleurs prophètes. الموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك من إليك محمد عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله سبحانه وتعالى a dit dans sourate Ash-Shura, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, de même que ce qu'il t'a enjoint, là il parle au prophète Mohammed alayhi salam, et ce qu'il a enjoint également à Ibrahim, Moussa et Isa. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la même chose à ces cinq personnes. Et en fait, à tous les prophètes. Mais ici, les cinq qui sont cités, c'est les cinq meilleurs. Et il a dit Nuh, Muhammad alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa et Isa. Qu'est-ce qu'Allah leur a demandé de faire? An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Accomplissez la religion avec force, restez ferme dans la religion et ne vous divisez pas dans celle-là. فإذن أفضل الأنبياء خمسة أولو العزم وهم الذين ذكرهم الله في قوله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Et c'est de cela qu'Allah parle dans le verset où il dit patiente comme ont patienté les messagers doués de fermeté et ne t'empresse pas avec eux, avec ton peuple. Donc Allah il a demandé au prophète alayhi salam de patienter comme eux ils ont patienté. Comme eux, ils ont patienté. Donc les cinq meilleurs prophètes, c'est Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, alayhi salam. As-su'al al-khamis wa tis'un, man awwal ar-rusul. La question numéro 95, qui est le premier messager d'Allah? Fadhal ala Muhammad Ali. Man awwal ar-rusul. Farq bayn al-nabi wa al-rasul. الرسول عنده رسالة كتاب النبي ليس عنده من أول الرسول من نوح أكيد تتسير نوح عليه السلام la question 95 c'est qui est le premier des messagers, le premier qui a ramené un message, c'est qui? Nuh. Barakallahu fikum. C'est Nuh alayhi as-salam. Il y a une différence entre Nabi et Rasoul, entre prophète et messager. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le messager il a un livre. et le prophète il n'a pas de livre, mais ils sont tous envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous la même mission, mais le messager il a un livre, il a la parole d'Allah, et le prophète il n'a pas, mais ils sont pareils, ils sont tous des frères envoyés pour appeler les gens à obéir à Allah. Le premier des messagers c'est Nuh alayhi salam. La preuve de ça, al-jawab, awaluhum ba'da al-ikhtilaf Nuh alayhi salam, comme a dit Ta'ala, inna awhayna ilayka, ila man, inna awhayna ilayk, a'tainaka al-wahy, man, Muhammad alayhi salam, kama awhayna ila Nuh wa an-nabiyyin min ba'dih. فأول أول الأنبياء نوح أو أول الرسل نوح عليه السلام ثم أرسل الله بعده أنبياء. Donc dans le, la réponse c'est que le premier messager envoyé par Allah après la divergence بعد الاختلاف ما المقصود بالاختلاف, qu'est-ce qu'il veut dire ici par l'ikhtilaf? On va voir la réponse à ça dans la question juste après. Donc le premier c'est Nuh alayhi salam. La preuve de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat An-Nisa, il parle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, certes, nous t'avons fait la révélation comme nous avons donné la révélation à Nuh et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala ici il a dit Nuh, ensuite il a dit aux prophètes qui sont venus après lui, ça veut dire que lui il est venu avant les prophètes. Il est venu avant les prophètes. Wa qala ta'ala kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim. Limadha qawm nuh? Li'anna nuh alayhi salam awwal ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala ici quand il parle au prophète alayhi salam, Quraysh, ils n'ont pas voulu croire au prophète Mohammed. Quraysh c'est le nom du peuple du prophète alayhi salam. Ils n'ont pas voulu croire au prophète alayhi salam. Allah il lui a réconforté, il l'a consolé dans un verset, il lui a dit les gens avant toi ils ont mécru à Nuh et aussi tous les groupes ils ont mécru en leur prophète. Donc comme Allah Azza wa Jalla il a dit les gens avant toi ont mécru à Nuh, pourquoi il a dit Nuh, pourquoi il a dit Nuh pour montrer que c'était le premier. Walakin dalil aqwa sarahatan min hadha ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن الناس يوم القيامة يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة, فعندما يأتون إلى آدم عليه السلام يقول للناس إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله أو أرسله الله إلى أهل الأرض. Donc une preuve plus claire encore et plus franche, ou bien plus claire on va dire, c'est que l'imam al-Bukhari rahimallah a rapporté un hadith dans lequel, ce hadith il est long, on appelle ça le hadith de l'intercession. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salam il nous explique ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Il nous dit que le soleil il va descendre tellement bas que les gens ils vont elle va descendre tellement bas que les gens ils vont commencer à transpirer. Il y en a qui vont transpirer jusqu'à leurs chevilles. Il y en a qui vont transpirer jusqu'à Rukba. Il y en a qui vont transpirer jusqu'à les hanches. Il y en a qui vont transpirer jusqu'à là. Il y en a qui vont transpirer jusqu'à... Tout leur corps, il va être trempé dans la sueur à cause de leur péché. Al-Araq, bisabab dhunub, yawm al-qiyamah, idha nazalat ash-shams. Donc, ensuite, ils vont aller voir 50 000 ans. Khamsina al-fasana. هذا قبل الحساب مش الحساب هذا قبل الحساب avant le hisab 50 000 ans. Ils vont tous aller voir Adam alayhi salam, ils vont lui dire oh Adam, toi tu es le premier homme qu'Allah t'a créé, il t'a donné ça, il t'a préféré, etc. Demande à Allah qu'il commence le jugement, on ne peut plus patienter. Ama tara ma nahnu fi is'al Allah an yabda al-hisab. Ils vont demander à Adam alayhi salam, ils vont lui dire ne vois-tu pas comment on souffre, on n'en peut plus, s'il te plaît ya Adam, demande à Allah qu'il commence. Adam il va avoir peur d'Allah, il va dire nafsi, il va avoir peur d'Allah alors que c'est le premier homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a créé. Ensuite, il va dire Itu Nuhan, allez voir Nuh, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Donc ça, c'est la preuve que Nuh alayhi salam, c'est le premier des messagers. As-su'al sadis wa tis'un, mata kana l'ikhtilaf. La question 96, quand est apparue la divergence? قال الله عز وجل في القرآن سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الآية أي الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام وذريته من الناس ومن البشر من الذكور والإناث جعلهم في الأرض وكانوا كلهم أمة واحدة مجتمعة على عبادة الله وحده لا شريك له كانوا لا يشركون بالله سبحانه وتعالى فلما أشركوا بالله اختلفوا وتفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين c'est moi qui fais le dars les frères c'est moi qui vous regardez Allah سبحانه وتعالى il dit dans le Coran en sourate al-Baqara les gens avant ne faisaient qu'une communauté entière c'est-à-dire quand Allah تبارك وتعالى il a créé Adam عليه السلام et il a répandu sur terre les enfants de Adam, les êtres humains, personne ne faisait de shirk, d'association. Il n'y avait pas de shirk. Les gens, ils adoraient tous Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient tous Allah, et ils ne faisaient pas d'association. Quand ils ont commencé à adorer autre qu'Allah, azza wa jal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés, et ils ont divergé, et à ce moment-là, Allah, il a envoyé les messagers. Et donc, بعد الاختلاف أي بعد أن اختلف الناس في عبادة الله وفي الشرك ولهذا الله يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أي يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين المشركين الله سبحانه وتعالى jour du monde dernier va juger entre ceux qui adorent que Allah et ceux qui sont des associateurs qui ont adoré autre qu'Allah donc quand est apparue la divergence متى حصل الاختلاف هذا هو السؤال متى اختلف الناس بعد أن كانوا مقتل هابيل وهابيل هذا شيء آخر اختلف بسبب الشرك نحن نقول متى اختلف الناس بسبب الشرك متى أشركوا بالله هذا هو السؤال قبل نوح أيوة إذن في قوم نوح في قوم نوح بارك الله فيكم quand est-ce que les gens ils ont commencé à diverger et à commencer à adorer autre qu'Allah au peuple de Nuh عليه السلام كم كان من الزمان بين آدم ونوح عليه السلام il y avait combien de temps entre Adam le premier des hommes et Nuh le temps où la première association elle est venue ألف سنة هذا قليل شوية هذا إلا خمسين لا ها un siècle c'est peu qui a dit 10 siècles 10 siècles c'est long 1000 ans oh صحيح je me suis trompé il avait raison ألف سنة ألف سنة à peu près en vérité à peu près 1000 ans طيب. قال ابن عباس رضي الله عن الجواب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين عبد الله بن عباس c'est le cousin du prophète صلى الله عليه وسلم et c'est le compagnon qui connaissait le plus le Coran qui connaissait plus l'explication du Coran Il a dit, il y avait entre le prophète Nuh et Adam alayhi salam 10 siècles. 10 qurun. Les ulama disent al qarn taqriban 100 sana. Les ulama, les savants ils disent que le qarn bima'na al jil, le siècle ou bien la génération, c'est à peu près 100 ans. Ce qui veut dire que entre Adam et Nuh, il y avait à peu près 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, الناس كانوا لا يشركون بالله كانوا لا يعبدون إلا الله عز وجل les gens ils n'adoraient que Allah pendant ces 1000 ans et ensuite ils ont divergé et Allah subhanahu wa ta'ala il leur a envoyé les prophètes pour les appeler à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الإمام البخاري rapporte que عبد الله بن عباس a dit في تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أي لما توفاهم الله لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك أي إذا مات أولئك ونسي العلم عبدت. وسنفسر هذا الكلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما a dit dans l'explication de la parole d'Allah dans sourate Nuh, et ils ont dit n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas les divinités que vous adorez, et n'abandonnez pas les divinités qui ont le nom de Waddan, Waswa'an, Wayaghuth, Wayaghuq, Wanasran. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit les cinq noms cités dans ce verset sont des noms de cinq personnes, des hommes qui étaient pieux. Kanu rijalan salihin, ils étaient des hommes pieux qui ont vécu dans le peuple de Nuh alayhi salam, et ils adoraient Allah et les gens les admiraient et les respectaient. Kana nas yuhibbuna waddan wa suwa'an wa yaghuth wa ya'uq wa nasra, kanu salihin, c'était des gens qui étaient pieux, ils adoraient Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces cinq personnes sont mortes, quand ces cinq hommes, ils sont morts, le shaitan est venu au peuple de Nuh pour leur dire « Insibu ila majalisihim ansaban »« Ij'alou alamat, ij'alou taswiran, alamat musawwara ala suwarihim fi makanihim » فعندما تمشون وترون هذه التصويرات تتذكرون عبادتهم فتتعبدون لله تنشطون العبادة. Shaitan il est venu, il leur a dit, il leur a mis une insufflation, il leur a dit allez dans les endroits où ces gens-là avaient l'habitude d'aller et mettez à leur effigie des statues, faites des statues à leur effigie, vous les dessinez, vous faites leur tête, leurs bras, etc. là où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Pourquoi? Comme ça, à chaque fois que vous allez passer à côté, vous allez les voir, vous allez voir les statues, vous allez vous rappeler que ces gens-là, ils étaient pieux, votre foi va augmenter, et vous allez avoir la motivation de leur ressembler et d'adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Shaitan, il les a pas laissés. Ils ont commencé à faire les statues, ils les ont mis à ces endroits-là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Shaitan, il a laissé le temps passer. Et au début, les gens, ils n'adoraient pas. Ils voyaient les statues, ils disaient subhanallah, lui comment il adorait Allah, je vais faire comme lui. Ils partaient, ils faisaient des salawat, ils adoraient Allah, des prières, etc. Ensuite eux ils sont morts, leurs enfants ils sont arrivés, les enfants des enfants ils sont arrivés, jusqu'à ce que la génération est arrivée, elle ne savait pas pourquoi leurs parents ils avaient fait ça. Cette génération elle pensait que leurs parents ils adoraient les statues. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à les adorer. فَعَبَدُوا هَذِهِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ من دون الله والعياذ بالله فوقعوا في الشرك وهذا أول شرك في بني آدم. Et c'est la première association qui est venue sur terre. Donc regardez, le shaitan est venu, il leur a dit ah, tu aimes Fulan Zayd, tu aimes Zayd, Zayd est mort, fais une statue qui ressemble à Zayd et mets-la là où il avait l'habitude d'aller, et à chaque fois que tu vas passer à cet endroit tu vas voir la statue, tu vas te rappeler comment il était et tu vas être motivé à faire comme lui. Lorsque celui-là il est mort, son fils il est venu, son petit-fils, jusqu'à la descendance qui est arrivée, elle ne savait pas qu'est-ce que cette statue elle faisait là. Elle pensait que les parents ils l'adoraient, et ils ont, Shaitan il leur a dit vos parents ils adoraient cette statue, ils ont commencé à l'adorer, et c'est la première fois que le shirk il est apparu sur terre, et c'est à partir de ce moment-là où les gens ils se sont divisés et ils ont divergé. وهذا معنى قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة على التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له فلما اختلفوا ووقعوا في الشرك بالله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Et lorsque les gens ne formaient qu'une communauté entière, et lorsqu'ils ont divergé, Allah leur a envoyé les prophètes pour les appeler à l'islam. وفي هذا فائدة كبيرة أن أعظم سبب التفرق والاختلاف الشرك بالله سبحانه وتعالى. Et dedans il y a une grande leçon à tirer, c'est que la plus grande cause de division et de divergence, c'est l'association à Allah. Pendant 10 siècles, ils étaient tous d'accord. Comme Allah a dit dans le Coran, ils ne formaient une communauté entière. Dès qu'ils ont adoré autre qu'Allah et qu'ils ont accroché leur cœur à autre qu'Allah, Allah il a divisé leur cœur. C'est pour ça qu'Allah il a dit au prophète alayhi salam, wala takunu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. La alaqata baynaka wa baynahum. L'annahum farraqu dinahum bi shirk. Allah dit à son prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont divisé leur religion et qui furent des sectes, ils sont devenus des sectes et des groupes égarés, tu n'as rien à voir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont divisé leur religion à cause du shirk. C'est clair. As-su'al al-sabi'u wa tis'un, man huwa khatamun nabiyyin. Daqiqa, la tasta'adilu. La question numéro 97, qui est le dernier des prophètes? Ma'ana khatim. Al-khatm bima'na al-ghalq. Fa man huwa khatam an-nabiyyin ay man alladhi ja'a wa aghlaqa bab an-nubuwwa fa huwa akhiruhum. Akid. Ajib. Akid. Akid. عبد الكريم أكي عجيب هذا كلكم vous êtes tous sûrs. Regardez la question numéro 97, qui est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes? Ils m'ont tous répondu Mohammed. Vous êtes sûr de ça? MashaAllah. Ami Habib, Allah me barak. Ami Mohammed, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr et certain? Naam, on est sûr, Yahya. C'est-à-dire, aqidah, la shak fiha. La shak, il n'y a pas de doute dans ça. Le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prophète après lui. Taïf. Kif madan akul Allah azza wa jal yunzil Isa alayhi salam. Fi akhir, qabla as-sa'a. Isa nabi ou la nabi ou laysa nabi? Rasul? Rasul. ينزل ماذا نقول دقيقة الله سبحانه وتعالى il va renvoyer Isa sur terre. Isa c'est un prophète, c'est un messager, il va venir après Mohammed عليه السلام. Pourquoi vous dites que Mohammed c'est le dernier des prophètes? Hafid, tu dis quoi? Oui, messager, même messager si tu veux. خاتم الأنبياء. ما خاتم الأنبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عيسى ينزل بعد محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى مرفوع للشام. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. كان الله تكسب. تدان. لباغادي إن فامبيز. الله أكبر. طيب. عيسى quand il va descendre, عيسى quand il va revenir, il va pas revenir en tant que prophète. Isa, خلاص نبوته الحمد لله قام بها صلى الله عليه وسلم. عندما ينزل ينزل ليجدد شرع محمد عليه الصلاه والسلام. ينزل متبعا للرسول عليه الصلاه والسلام. Isa quand il va descendre, il va pas venir en tant que prophète. Il va venir en tant que suiveur de Mohammed عليه الصلاه والسلام. ولهذا عندما ياتي الامام المهدي, quand l'imam al-Mahdi va venir et que Isa il va se retrouver dans la même mosquée que lui, l'imam Mahdi il va lui dire de salli bin nas, il va lui dire de prier imam. Et Isa il va lui dire non, c'est la communauté de Mohammed qui fait l'imam. Et il va le devancer, il va le mettre devant. Fa akhiru al-anbiya Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ma dalil ala hadha? As-su'al al-thamin wa al-tis'un, ma dalil ala dhalik? La question numéro 98, quelle est la preuve? Comment tu sais que c'est le dernier des prophètes? إني أكملت عليكم دينكم هاه؟ إني أكملت عليكم دينكم لا هذا دليل على أن الدين كامل هاه؟ في القرآن نعم ولكن أين في القرآن؟ Oui. Ça va, ça va. Il me dit, fais le Coran. Oui, fais le Coran. Où? Hein? Mohammed Rasulullah. Alors, quelqu'un l'a pas ou pas? Hein? À la main, oui. اليوم أكملت عليكم لا هذا دليل على أن الدين كامل أنا أريد دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بارك الله فيك جزاك الله خيرا أطال الله عمرك في طاعة الله وخدم الله لك بالحسنى الله عز وجل يقول في القرآن محمد n'est pas le père de l'un d'entre vous mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. وقال عليه الصلاة والسلام كما خرجه مسلم وغيره قال إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. Et aussi le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit certes 30 menteurs vont venir après moi, ils vont tous prétendre qu'ils sont des prophètes et alors que je suis le dernier des prophètes il n'y aura pas de prophète après moi. Nabi alayhi salatu wasalam, il nous dit que il y a des gens qui vont venir après et ils vont dire je suis un prophète. Et ça existe. D'accord? Et il a dit qu'il y en aura 30. Et un des premiers qui est venu, c'est qui? Musaylamatul Kadhdhab. Cet homme-là, il est venu un peu après, à l'époque de Abu Bakr. As-Siddiq radiyallahu anhu, juste après la mort du prophète alayhi as-salam, il est venu, il a dit moi aussi je suis un prophète. Il est venu, il a dit moi aussi je suis un prophète et vous devez me suivre. Et lui il avait une armée, c'était un gouverneur, il avait des armes, il avait de l'argent, il avait tout pour combattre les gens. Il a dit je suis un prophète et vous devez me suivre. Moi aussi j'ai des sourates. Moi aussi j'ai des sourates du Coran. Allah azza wa jalla, il a ramené sourate Al-Fil. Lui il a ramené sourate Al-Dhifdaa. Voilà, il a dit billah. Lui, Allah Azza wa Jal, il a dans le Coran surat l'éléphant. Lui, il a inventé une surat, il a appelé surat la grenouille. Et il est venu voir les gens, il est venu voir les sahaba et les gens qui les tabi'in, et il leur a dit, moi j'ai une surat. Et il a commencé à raconter n'importe quoi, une grenouille avec des grandes pattes, avec des. Et Zahima, il était en train de réciter du Coran, et il a dit, c'est Allah qui m'a révélé ça. L'homme qui était devant lui, si je ne me trompe pas, c'est Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, tabi'iyun azim, jalil, un grand pieux prédécesseur. Il s'est mis devant lui, il l'a écouté raconter ses bêtises. Il a écouté comme ça, il a écouté, il lui a dit, c'est ça ta surah? Il lui a dit, na'am. Il lui a dit, wallahi, anta ta'alam, anni a'alam, annaka kadhdhab. Il a écouté, il a réécouté ses bêtises, la surah de la grenouille, il a dit, wallah, tu sais très bien, que je sais très bien, et toi tu sais très bien que tu es un grand menteur. Arrête tes bêtises. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il lui a dit, tu ne me crois pas? Il lui a dit, hal Muhammad Rasulullah alayhi salam? Il lui a répondu, na'am, Muhammad Rasulullah. Il lui a dit, hal ana kadhalik Rasulullah? Qala, ana man sami'tuk. Faqala lahu, hal Muhammad Rasulullah? Qala, na'am, Muhammad Rasulullah. Wa hal ana Rasulullah? Qala, ana man sami'tuk. فأخذه وألقاه في النار ولما ألقاه في النار قال الصحابة رضي الله عنهم اللهم اجعلها بردا وسلاما كما جعلتها لإبراهيم بردا وسلاما فكانت له بردا وسلاما فخرج من النار سالما حي ما عنده شيء فأخذه عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر الحمد لله الذي أراني في أمتي من جعل له النار بردا وسلاما كما جعلها لإبراهيم عليه السلام. Ensuite, quand il n'a pas voulu croire à ses bêtises, Musaylama al-Kadhdhab, il a dit, je suis le messager d'Allah, est-ce que tu crois à ça? Il a répondu, j'entends pas ce que tu dis, je comprends rien et j'entends pas. Ensuite, il lui a dit, est-ce que Mohammed est le messager d'Allah? Il lui a dit, na'am, Mohammed est le messager d'Allah. Et moi, est-ce que je suis le messager d'Allah? J'entends pas ce que tu dis, je comprends pas. Il a dit, dans notre langage à nous, tu veux jouer à ça? D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à son armée de le prendre et de le lancer dans le feu. Ils l'ont lancé dans le feu. Les sahaba, ils sont venus, ils ont dit, « Ya Allah, fais de ce feu une paix et une fraîcheur comme tu l'as fait pour Ibrahim quand son peuple l'a lancé dans le feu. » Ils l'ont lancé dans le feu, il est sorti du feu, intact, il n'avait rien du tout. Allah, il l'a préservé. Après Omar ibn Khattab, il a pris cet homme-là, il l'a ramené à Abu Bakr, et il lui a dit, « Voici l'homme à qui Allah, il a préservé du feu. » Et il se cachait. Abu Muslim al-Khawlani, il se cachait, il ne voulait pas dire que c'était lui. Mais Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, كان يحب غرائب الأشياء ويبحث عن ال... Omar ibn Khattab, il cherchait les gens qui avaient des histoires particulières. Et il a été le voir, il lui a dit, t'as entendu que quelqu'un, on l'a lancé dans le feu, là. Il lui a dit, ouais, il paraît qu'il y a un homme, il parlait de lui en vérité. Il ne voulait pas dire que c'était lui. Il y a quelqu'un qui a été lancé dans le feu, juste là, il lui a dit, Billah, allez, c'est toi. Et comme ça là, il a répondu, na'am, et là, il l'a pris, il l'a emmené à Abu Bakr, et Abu Bakr a dit, Alhamdulillah, Allah m'a montré dans ma communauté quelqu'un qui a été jeté dans le feu, qui a été préservé comme on l'a fait pour Ibrahim, alayhi salam. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, n'es-tu pas satisfait d'avoir pour moi la même place que Harun il avait pour Moussa, sauf que tu n'es pas un prophète, le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc dans ce hadith, il y a deux choses. Que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lahu makana rafi'a ou rafi'a عند النبي عليه الصلاة والسلام, il a une grande place chez le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi hadith ad-dajjal قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير. يوصي الحديث والبروفيس صلى الله عليه وسلم dans l'histoire du Messie Dajjal qui va venir, le faux Messie, il a dit, je suis le dernier des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Donc le dernier c'est Mohammed ibn Abdullah صلى الله عليه وسلم. Il reste combien de temps? 5 minutes. السؤال التاسع والتسعون بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء. La question 99, c'est que le prophète Mohammed عليه السلام, il a des choses que personne d'autre a eu parmi les أنبياء. له أمور هذا منها له أمور خاصة به. الله عز وجل أعطاها له خاصا أو خاصة ولم يعطيها لأحد غيره. الله عز وجل il a donné des choses que au prophète Mohammed عليه السلام, il n'a pas donné aux autres prophètes. Donc quelles sont ces choses là et dans la réponse il va donner un exemple, c'est tout. Il ne va pas tout nous donner parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi maintenant je vous pose la question, qu'est-ce qui peut me ramener une chose que le prophète عليه السلام il a eu et que les autres prophètes ils n'ont pas eu? Abdel Karim, que son message il était pour tout l'univers, mm-hmm. pas que pour sa tribu, mm-hmm. c'était pour toute l'humanité. Et les autres, les autres prophètes? Et les autres c'était uniquement soit pour leur région, soit pour leur tribu. Il a dit une bonne chose, et ça c'est une des plus grandes choses qui marque la différence entre Mohammed et tous les autres. C'est que le Nabi Mohammed il a été envoyé à tout l'univers. Wa ma arsalnaka illa Rahmatan lil alamin. Et nous l'avons envoyé comme miséricorde pour tous les mondes. Il a été envoyé à tout le monde. Ursila ila al-jin wal-ins. Il a été envoyé aux djinns et aux hommes, au premier, au dernier, à tout le monde. D'accord? Alors que les autres prophètes, ils ont été envoyés à leur peuple. Chacun, il a été envoyé à son peuple. Le prophète Mohammed, il a été envoyé à tous les peuples. Amin Habib. Al-Isra wal-Mi'raj. Le Nabi alayhi salam, parmi les choses qu'il a eues et que Allah lui a donné et n'a pas donné aux autres prophètes, l'ascension nocturne. Et dans une nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré les sept cieux, il lui a montré tous les prophètes, il lui a montré le paradis, l'enfer, le malaïka, et Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a parlé directement sans intermédiaire. Qu'est-ce qu'il veut dire, Al-Karim? Naam, barakallahu fik. Également, parmi les choses que le prophète Mohammed alayhi salam, il va avoir la plus grande shafa'a. Parce que tous les anbiya, tous les prophètes, ils ont la shafa'a pour les gens. Mais celui qui a la shafa'a pour que le hisab il commence, pour que le jugement il commence, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il connaît? Amen. Tous les prophètes, ils ont un. Il a eu le droit au butin. Pourquoi? Parce qu'avant, les prophètes, d'avant, quand s'il y avait le djihad, ils n'avaient pas le droit de prendre le butin de guerre. Et le prophète Mohammed, Allah lui a donné le droit d'avoir le butin. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que tous les endroits de la terre sont des endroits de prière. Et ça, c'est avec le prophète Mohammed, à condition qu'il n'y a pas de najasa, bien sûr. Il n'y a pas d'impureté. Ala kulli hal, al-jawab, lahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khasa'isu kathira, qad ufridat bit-tasnif, minha kaunuhu khataman nabiyyin, kama dhakarna. Donc la réponse, c'est que le prophète, alayhi sallam, a beaucoup de choses qui lui sont propres particulières, qu'Allah n'a pas donné aux autres. Et on est dans la fin. Et les savants, ils en ont écrit même des livres. Ils ont écrit même des livres juste pour parler de ce que le prophète alayhi salam a eu et qu'Allah n'a pas donné aux autres. Il a dit parmi celles-ci, le fait qu'il est le dernier des prophètes, comme on vient de le dire juste avant. Wa minha kaunuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sayyida waladi adama kama fussira bihi qawluhu ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Et parmi les mérites ou les choses que le prophète a eu عليه السلام et que les prophètes d'avant n'ont pas eu, le fait que il est le meilleur fils d'Adam, il est le meilleur des hommes, il est le meilleur des hommes. Allah عز وجل a dit: voici les messagers, nous en avons favorisé certains par rapport à d'autres, et parmi eux il y en a à qui Allah a parlé et d'autres qu'Allah a élevé en degré. Et dans l'explication de ce hadith, de ce verset, il y a le fait que le prophète Mohammed alayhi salam est le meilleur de tous. Pour ça que dans le hadith, le prophète lui-même alayhi salam a dit: je suis le meilleur des fils d'Adam, et sans me vanter. Je dis ça sans me vanter. Wa minha ba'athuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ila an-nasi 'amma جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Et parmi celles-ci, le fait qu'il a été envoyé à l'ensemble des gens, à tout le monde, les djinns et les hommes. Allah a dit dans le verset à son prophète alayhi salam, dit: ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah vers vous tous. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Et Allah dit aussi: et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des gens en annonciateur et avertisseur. Alaykum salam. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Et aussi le prophète alayhi salam dit: on m'a donné 5 choses qu'on n'a donné à personne avant moi. Qal nusirtu bil ru'bi masirata shahr wa ju'ilat li al ard masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث رواه البخاري ومسلم. Dans le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: on m'a donné 5 choses qu'on a donné à personne avant moi. On est dans la fin. عفوان على الإطالة. On est dans la fin. On m'a donné 5 choses qu'on n'a pas donné avant moi. Il a dit: nusirtu ay nasarani Allah bimadha birru'b masirat ashahr. Ma ma'na hadha? Ma'na hadha anna Allah azza wa jal nasara nabiyahu alayhi salam bi an qadhafa fi qulubi a'da'ihi alayhi salam ar-ru'b al-khawf ash-shadid wa in kanu fi masafatin ba'ida masirat ashahr. Allah akbar. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam dit: Allah m'a donné le secours par la terreur. Allah m'a donné le secours par la terreur à une distance de un mois de marche. C'est-à-dire, Allah m'a donné son secours en mettant dans le cœur de mes ennemis la terreur et la peur de moi, même s'ils sont loin de moi à une distance de un mois de marche. Allah, il a secouru comme ça, Allahu Akbar. Ils sont à un mois de marche, ils ont peur de lui. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et on a fait de la, pour moi de la terre une mosquée pure. C'est-à-dire un endroit où je peux prier. On peut prier partout. Ensuite, il dit, quiconque atteint l'heure de la prière dans un endroit, qu'il prie. C'est-à-dire, sauf si l'endroit, il est impur. Ensuite, il dit, et on m'a donné le droit de prendre le butin. Et on m'a donné l'intercession. Et tous les messagers avant moi ont été envoyés à leur peuple, et moi j'ai été envoyé à tout le monde. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Wa la'udhu billah. Rawahu Muslim min hadith Abi Hurayra. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'aucun de cette communauté n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis après cela qu'il ne croit pas en moi, sans qu'il entre en enfer et qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Wallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al-khasa'is ghayru ma dhakarna fatatabba'ha min an-nusus. Ensuite il dit, et le prophète alayhi sallam a eu aussi beaucoup d'autres choses que ça, tu n'as qu'à les étudier dans les textes du Coran et de la Sunna. والله اعلم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت